marches-tu? Doucement, mais là. Viens. C'est pas là, l'idée. Si. L'idée, c'est là. C'est où? Non, c'est là. Et là, on est exactement là. Là, c'est la mairie. Elle est où chez moi? C'est où chez moi, là? C'est, je crois, c'est là, Théo. Moi, c'est là, il y a les trois. Moi, c'est ici. Si. Mais là, c'est chez moi, t'es pas là. Chez toi, c'est Coralie. Chez toi, c'est vers la Coralie. Elle est là, la nationale, ok. Ici, c'est chez moi. Mais chez toi, c'est là, Théo. Théo, là, il y a les trois maisons collées. Et là, il y a à côté, il y a ta. On voit pas mes poules. Là? C'est par là. Attends, je vais appeler chez moi. Elle est où, ma grand-mère? Moi, j'avoue, Théo, envoie ton téléphone, s'il te plaît, je vais appeler ma daronne. Ma mamie, elle est là. Attends, je vais m'en aller chez moi. Et du coup, l'idée de cette carte, c'est à la fois de voilà, voir un peu la vallée du dessus, et puis aussi de demander aux gens, par exemple, où est-ce qu'on a accès à la Romanche. Nous, c'est une grande question qu'on se pose. On a l'impression que la Romanche, elle n'est pas hyper accessible, mais en fait, les gens ils nous racontent aussi, il y a des petits chemins par là. Si, si, allez, là, on peut passer partout pour la Romanche. Ouais, on peut passer partout, dans la forêt. On peut y aller. Bah, je sais pas si vous connaissez le plan. C'est bonbon. Le plan. Ouais, je pense. C'est le mur d'escalade. Ah, alors c'est celui-là. On nous a dit après le petit pont là. Oui. C'est ça. Oui, voilà, c'est passe par là. Et après on longe. En fait, c'est une grande montée. On peut monter jusqu'au pylône. Ok. Et bah, après là-bas, il y a un chemin qui descend et un autre chemin qui continue. Mais on peut passer aussi. Sinon, on peut descendre et après on arrive sur le. On peut passer aussi par là. On passe par là et après bah on passe par là et là on va à la Romanche. D'accord. Ok. Et la Romanche, vous y allez, je crois. Ouais, ça va. Quand ça fait chaud, même quand on y va à pied. Bon, je mène pas, mais. Oui, bah non. Même pas les pieds. Si, les pieds. Mais il y a souvent des lâchés, ce que vous dites quand on se fait un peu. Théo, c'est lequel le. Non, mais en fait, c'est pas qu'il y a des lâchés, c'est qu'il y a des courants forts. D'accord. Et comme il y a des courants forts, bah on peut pas trop. Oui, alors il y a des creux d'eau. Ok. Mais il y a quand même des endroits particuliers où on peut mettre les pieds dans l'eau. Juste les pieds, bah parce qu'en fait l'eau vient au bord. Bah en fait il y a un peu de sable devant et l'eau elle vient juste au bord en fait. Donc ici il y a des petites, une espèce de petites plages là. Ouais. Oui, on y va. En fait de chaque côté. Non, moi je suis jamais allée. On était allé ici la dernière fois. Oui, là, un samedi. Un samedi, tu te rappelles? Quand on allait là. Même quand on traverse le pont avec la maison brûlée, qu'on continue, il y a un endroit où il y a une sorte de sable avec des pieds. La petite plage. Elle est là. Non, là, c'est celle-là aussi que tu as reçu, tu parles? Ouais. Il y en a? Ça, Théo. Là, il y a la maison brûlée, c'est celle-là? Oui, voilà. Là, là, il y a le pont. En fait, quand on traverse comme ça, il y a un endroit où quand on arrive, genre, il y a du sable et des cailloux, et il y a la Romanche, on peut tromper les pieds. Bah, si vous voulez, on vous amène. Hein. On est par cœur. Ça va faire long, là. Non, c'est pas loin. Bah, c'est pas loin, c'est cela. Ah, mais là, vraiment parlé à la Romanche. Mais alors, peut-être pas maintenant, mais par contre, je vais vous montrer. Là, c'est quoi ça? Ah, moi, c'est bon, je peux voir ça, c'est quoi? Devine. Attends. Ça, c'est pas les plans? Non, c'est les clos. C'est les clos? Oui, les clos. Les plans? Non, les plans. Non, pas du tout. C'est un bassin. C'est allemand. C'est allemand? C'est pas allemand. C'est pas allemand, ça. Ah si, avec le gros barrage là. Non, on dirait c'est allemand. Non les gars, c'est pas allemand, allemand c'est là. C'est bon, c'est par là-haut. C'est là-bas. Attends, Rio Pérou. Oui. Du coup, il y a la ça veut dire que vous montez jamais dans la montagne? Là c'est pas bah, du style des sentiers, des randos. Là, le porcelet, par là, c'est pas le porcelet. Ouais. Non, là-bas, c'est ça. Ça s'escalade, ça, c'est quoi? C'est sentier ou. C'est pas le porcelet, c'est là-bas. Ah, là, c'est le chambon. Ah, c'est Besse ou c'est Misoin, c'est un truc comme ça. Là, c'est non, mais là, là, c'est le chambon. Là, c'est pas chambon. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, parce que regarde, tu prends l'ivée, tu montes droit, tu reviens là. C'est ça qui est pas là, c'est une espèce d'entreprise, mais je suis pas bizarre. Non, il dit ça, c'est en haut. Et bah oui, mais c'est pour pas être bête. C'est libre après la voiture, donc. Tu descends. C'est pour ça que je dis des fois, c'est chilienne ou là, c'est chilienne. Non. Non, après, il y a aussi. Il y a pas de bassin, c'est chilienne. Mais si, t'es vers le château. Non, là, je pense. C'est visible, ça. Ah ouais. Non, je pense que c'est là-bas. Genre, tu descends ici, c'est là-bas. Zut. Ah, genre, il y a une fontaine. Bah là, il y a Rio. Ça, c'est pas Rio Pérou. Ça, c'est Robert. Ah, ouais, c'est Robert, Rio, c'est Rio. En plus, j'ai la réponse. Et là, c'est Gavé. Tu es déjà allé? C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est, en fait c'est juste au-dessus, mais la plupart des gens ici, bah, on ne se rend pas compte que c'est à vol d'oiseau, c'est à 3 km, mais par contre c'est 1000 mètres plus haut. Quoi. On voit voit une ligne. C'est vraiment champ rouge. Ouais. Ah ouais, le ciel. C'est le recoin. Ah ouais. En fait, vous voyez, vous êtes où? Là, c'est là où il y a ce qu'il y a. Là, il y a un petit chemin. Comment est-ce qu'on peut le noter, ça, qu'on voit l'illumination de champ rose dans le ciel, dans le reflet d'un... Bah, peut-être pas encore, hein. Mais quand il... Je vais attendre plus d'années. Et non, justement, nous, on est là-haut pour l'instant. Ouais, c'est là-bas, là-bas. Ouais. C'est au-dessus de la salinière, en fait. Parce que des fois, le 14 juillet, des fois, on voit des feux d'artifice de là-bas. Ah, ouais. On voit les lumières. Ouais. En fait, c'est quand on part de la salinière. Hein. Non, mais il est là pour la salle de ski. Mais on n'en a pas, c'est les secouages. Mais moi, je suis jamais allée non plus. Et c'est tout, hein? Ouais, il me l'a dit hier. Non, bah, j'ai peut-être dû y aller une fois, mais j'ai renseigné par rapport à toi. Je te dis qu'il me l'a dit hier. Et ça, du coup, c'est quoi le champ? Ça, je pense que c'est le recoin. C'est quoi le cas? Dans une plage? Et bien, là-haut, par contre, là, il y a une cabane. Parce que de haut, c'est bon. On verra demain si nous sommes en contact.